Oh les gars, depuis quelque temps, ma cassette est comme en manière de libre, tranquille. Damn, ça spécial. Hey, DJ Mafio, j'a save. Le célibat kaba. Ça, c'est on, veille. Faut me le comprendre que nous maillons. Le célibat kaba. Oui, mon pani doit sortir. Le célibat kaba. Il est mort fini ligoté. Le célibat kaba. Le célibat kaba. Moi, d'où le célibat kaba. Il a posé trop de questions. Le célibat kaba. Faut toujours bailler explication. Le célibat kaba. Il a fait crise de jalousie. Le célibat kaba. Le célibat kaba. Moi, d'où le célibat kaba. Mon lien en femme, ok. Mais qui pas qu'à stress, moi. Y'en qui panique à rance parce que ça s'acca vexe, moi. Gialdem, s'il vous plaît. Arrêtez votre tête, moi. Moi, elle comprend que nous maillons alors. Que sa femme même vrai. Moi si mais être célibataire. Au moins il pas ni plateforme qui capo quand il bat la matière. Tous les jours il capale, il capale, il capale. Nous c'est 17 travail ni parce que franchement il capale. Femme l'en comprenne que nous maillons. Le célibat kaba. Oui moi pas ni doit sortir. Le célibat kaba. Il est mort fini ligoté. Le célibat kaba. Le célibat kaba. Moi d'où le célibat kaba. Il qu'a posé trop pression. Le célibat kaba. Faut toujours bailler explication. Le célibat kaba. Il qu'a fait crise de jalousie. Le célibat kaba. Le célibat kaba, moi d'où le célibat kaba. Gyal, des moi t'es les dio. C'est pas parce nous ensemble que tous les jours moi qui est pio. Même mes femmes, je la vous dis, le contraire serait mentir. Mais entre nous, je voudrais le meilleur et non pas le pire. Si moi les chocs en forme, tout tu dis, j'ai fâché. Et jamais t'es en tête, les conseillers, puis moi qui est trop payé tous les jours, c'est comme ça. Sors le cœur, m'en fait contre ça. Quand un bagaille café me dit que le célibat kaba. Femme l'en comprenne que nous maillons. Le célibat kaba. Puis moi, pas ni doit sortir. Le célibat kaba. Il est mort fini ligoté. Le célibat kaba. Le célibat kaba. Moi d'où le célibat kaba. Il qu'a posé trop pression. Le célibat kaba. Faut toujours bailler explication. Le célibat kaba. Il qu'a fait crise de jalousie. Le célibat kaba. Le célibat kaba. Moi d'où le célibat kaba. Non, c'est pas faute. Moi, mon panier meilleur engagement. Il n'est tellement trop fort. Moi, pas check yon seulement. Dernière fois, moi, check Lisa et Emeline en même temps. Il n'est tellement trop fort. Moi, pas check yon seulement. Si elle joue à la coquine, pour elle, je serai coquin. Je ferai que l'admirer. Tout en caressant ses seins. Le sexe, c'est ma passion. Mais ne crois pas que je suis malsain. Tu seras ma patiente et moi, je serai ton médecin. Comme le comprenne que nous maillons. Le célibat kaba. Puis moi, pas ni doit sortir. Le célibat kaba. Il est mort fini ligoté. Le célibat kaba. Le célibat kaba. Moi, d'où le célibat kaba. Il qu'a posé trop de pression. Le célibat kaba. Faut toujours bailler explication. Le célibat kaba. Il qu'a fait crise de jalousie. Le célibat kaba. Le célibat kaba. Moi, d'où le célibat kaba. Comme le comprenne que nous maillons. Le célibat kaba. Puis moi, pas ni doit sortir. Le célibat kaba. Il est mort fini ligoté. Le célibat kaba. Le célibat kaba. Moi, d'où le célibat kaba. Quand même, c'est spécial, on will spécial, on l'autre spécial. Parce que tu es le tueur femme qui comprend que ouais, c'est mon copain, il est à moi, baby. Mais nous, les boucles là, nous prenons laisse, nous vous en liberté, nous. Hey, DJ Mafio, j'ai ça. Ça, turn, fait turn. Le célibat kaba. Le célibat kaba. Le célibat kaba. Le célibat kaba. Moi, je joue le célibat kaba. Le célibat kaba. Le célibat kaba. Le célibat kaba. Le célibat kaba. Moi, je joue le célibat kaba.